Chapitre 36e. Les problèmes n'arrivent jamais seuls, c'est un fait, dit le dicton. De retour chez elle, elle y trouva son mari. Tiens, te voilà, on voit que ton cher amant ne te quitte plus. Cela ne te regarde pas, Philippe. Je te rappelle que dans quelques mois nous serons divorcés. Je ne m'occupe pas de ta vie, j'apprécierais que tu fasses de même avec la mienne. Ce n'est pas la même chose, et puis j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute, mais après je te mets à la porte, j'ai affaire. Tu vas prendre le temps, ma chère. De toute façon, ce ne sera pas long. Je ne veux plus divorcer. Marina, interloquée, lui demanda si c'était une plaisanterie de mauvais goût. Pas du tout. J'ai réfléchi. J'étais bien avec toi, donc j'ai décidé de reprendre la vie commune. Bien entendu, il faudra que tu cesses de voir ton gigolo américain. Tu veux quoi? Que je cesse de voir, mais... Ma parole, tu délires? Hurla Marina. Non, nous pouvons essayer. Après tout, tu ne m'as pas laissé une chance. J'en revendique le droit maintenant. Il n'en est absolument pas question. De plus, tu as signé des papiers et accepté de l'argent, si je ne m'abuse. Comment peux-tu revenir en arrière sans aucun scrupule? Oh, ça! Mais ma chère, c'était juste une petite compensation. Après tout, 200 000 euros pour un homme riche comme lui, c'est une goutte d'eau dans la mer. Tu as dit combien? 200 000 euros. Mais attends, le gentleman ne t'en a pas parlé? Elle est belle, la confiance. Eh oui, à présent, tu es endettée. Mais rassure-toi, nous pourrons lui faire cracher davantage encore. Tu es ignoble. Tu es un monstre. Mon Dieu, comment ai-je pu être aussi aveugle? Allons, ma chérie, tu t'emballes beaucoup pour rien. Tu ne croyais tout de même pas avoir tous les bénéfices pour toi toute seule? Tous les... Oh, je préfère ne plus t'écouter, cela devient carrément obscène. Je préfère m'en aller. C'est ça, va donc lui raconter. Et surtout, n'oublie pas de lui dire que tu le quittes pour revenir vivre avec moi. Nous ne sommes pas encore divorcés, chérie, ne l'oublie pas. Marina se précipita dans sa voiture et resta là, appuyée au volant, les larmes aux yeux. Elle n'imaginait pas que Philippe, avec qui elle avait vécu tant d'années, avait à ce point changé. Mais connaît-on vraiment à fond les personnes avec qui l'on vit? S'il avait fallu lui poser cette question 10 ans auparavant, elle aurait affirmé que oui. Maintenant, elle se retrouvait face à un étranger. De surcroît, un étranger avide et sans scrupules. Ce n'était pas elle qu'il voulait, c'était uniquement l'argent de Jason. Il était si désinvolte lorsqu'il lui avait annoncé son intention de ne plus divorcer, et si froid en même temps, que la jeune femme sentit encore ce frisson glacial lui envahir tout le corps. Que faire désormais? Elle ne pouvait décemment pas en parler à son cher amour, dire que ce dernier avait payé cette somme astronomique pour qu'elle fût libre. Vers qui se tourner? Et surtout, que faire? Elle avait beau retourner ce problème dans tous les sens, aucune solution ne lui vint à l'esprit. Jamais plus elle ne pourrait vivre avec Philippe. Elle avait trouvé en Jason la délicatesse, la sensibilité, l'amour enfin qu'elle attendait. Elle avait aimé Philippe de toutes ses forces, puis, peu à peu, une certaine routine et sa liaison avec sa secrétaire avaient tué son amour. Mais de là à penser que Philippe était devenu cet inconnu qui avait pratiquement vendu son divorce et qu'il était décidé à faire chanter Jason, c'était impensable, inimaginable. Cet homme était à présent pire qu'un iceberg et plus intéressé que n'importe qui. Que faire? Marina, ne travaillant pas, elle se retrouvait dans une impasse. Elle avait failli perdre Jason par accident et à présent, à cause de son mari, elle risquait de le perdre encore. Peut-être que si elle en parlait à Jérémy. Non, impossible. Il ne fallait pas mêler Jérémy à cette affaire. Elle resta dans sa voiture pendant plus de 3 heures. Fatiguée, épuisée, nerveusement, elle finit par s'endormir. Elle s'éveilla vers 7 heures, transie, mais avec une autre idée en tête. Peut-être que cette personne pourrait la conseiller utilement. Il fallait à présent remonter à l'appartement pour se changer et téléphoner à Robert. Lui serait le mieux placé pour la conseiller. Elle attendit que Philippe parte au travail et en hâte monta se préparer. Elle prit ensuite le téléphone. « Allô? Bonjour madame. J'aimerais parler à Monsieur Robert Emerson, s'il vous plaît. »« De la part? De madame Marina Leroy. »« Un instant, je vous prie. Je vous le passe, madame. »« Merci. » Elle patienta encore quelques secondes et enfin, « Marina, c'est bien vous ?»« Oui, Robert, j'aimerais vous rencontrer très rapidement, si cela vous était possible. »« Que se passe-t-il, Marina? À votre voix, je devine que quelque chose vient d'arriver. Cela concerne-t-il Jason? Indirectement, oui. Mais je voulais vous demander conseil. Robert, c'est important et surtout urgent. Pourriez-vous m'accorder un peu de votre temps? Seriez-vous disponible dans une demi-heure? Tout à fait. En ce cas, si cela vous convient, je vous attends à mon bureau. Je vous remercie, Robert. À tout à l'heure. Et s'il vous plaît, n'en touchez-moi à quiconque et surtout pas à Jason. Aucun problème. Je vous attends. Elle se présenta avec 10 minutes d'avance, mais Robert, étonné et surtout curieux, était déjà là à l'attendre. Il la fit entrer et s'asseoir. Bon, nous y sommes. Dois-je vous jurer que ce que vous allez me dire ne sortira pas d'ici? J'ai confiance en vous, Robert, et je suis venu dans l'espoir d'avoir un bon conseil. Elle lui relata toute l'affaire. C'est un bon à rien, ce type. Mais comment avez-vous pu épouser cet homme? S'écria Robert furieux. Je me le demande encore, fit Marina penaude. Bon, il ne sert à rien de regretter quoi que ce soit, ce qui est fait. Par contre, il faut en sortir. Pensez-vous qu'il récidivera dans sa demande ou c'était un coup de bluff, rien que pour voir, si j'ose dire? Oh non, il était on ne peut plus sérieux, hélas. Une question, Marina. Oui? Pourquoi n'en avoir pas parlé à Jason? Philippe m'a dit que Jay avait déjà payé une forte somme pour le divorce, de l'ordre de 200 000 euros. Je suis bouleversée par l'importance de ce montant. Jamais je n'aurais voulu cela si je l'avais su. J'espère que vous me croyez. Continuez. Jay doit subir des interventions très graves et... Robert, j'aime Jay plus que tout au monde. Je ne veux pas qu'il s'énerve, qu'il se perturbe avant ses opérations. De plus, je ne veux plus qu'il paie pour moi. J'espère que cela est clair. On ne peut plus clair, Marina. Je regrette, et si je devais regretter quelque chose un jour, c'est que vous étiez déjà mariée lorsque vous avez rencontré mon fils il y a 10 ans. Vous étiez fait l'un pour l'autre, mais il n'est pas encore trop tard pour que les choses changent. Je peux vous garantir que vous serez libre et que ce maître chanteur ne l'emportera pas au paradis. Vous avez bien fait de venir me voir. Je vais alerter mes avocats et... Robert. Oui, qu'y a-t-il? Je n'ai pas d'argent pour les avocats et ne pensez plus à cela, je m'en occupe personnellement. Robert, je vous remercie, mais je n'aime pas être à la charge de quelqu'un. Et avec ce que j'ai déjà fait, je me fais l'effet. On ne vous achète pas, Marina. Pensez à mon fils, il vous aime et veut vous avoir à ses côtés. Croyez-moi, je ferai n'importe quoi pour lui. Que vous soyez impliqué ou non, n'y change rien. Laissez-moi faire, faites-moi confiance, d'accord? Entendu. Où demeurez-vous actuellement? Toujours à l'appartement avec votre mari? Hélas, le moyen de faire autrement. Très bien, vous allez faire vos valises, n'emportez que le strict nécessaire. Si vous avez d'autres besoins, nous verrons sur place. Où voulez-vous donc que j'aille? Je n'ai plus de famille, mes amis ne vont pas m'accueillir comme cela, d'ailleurs je ne le voudrais pas. Marina, dès à présent, faites-moi la faveur de vous considérer comme un membre à part de notre famille. De fait, dans un jour prochain, vous serez ma belle-fille. Alors acceptez de venir résider dans notre propriété près d'Honfleur. Vous serez également plus près de la clinique et donc de mon fils lorsque celui-ci se fera opérer. Acceptez-vous? Je ne sais trop quoi vous dire, à part merci, bien sûr. Cela me suffira amplement. À présent, filez faire vos valises. Ah, j'oubliais. Je vais mettre Jeremy au courant si cela ne vous ennuie pas trop. Nous allons avoir besoin de lui. Mais rassurez-vous, mon Jeremy sait être d'une discrétion absolue lorsqu'il le faut et sait garder un secret. Vous en savez quelque chose. Faites comme bon vous semble. Je dois dire que je ne savais vraiment plus vers qui me tourner. Je m'occupe de tout désormais. Vous avez seulement le devoir, si j'ose dire, de vous occuper de Jason. Ce ne me semble pas trop dur. En effet, ce devoir est plutôt un immense plaisir. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Oh, c'est très simple, en rendant mon fils heureux. Vous en sentez-vous capable? Je ferai n'importe quoi pour cela. Nous sommes d'accord alors. Allez vous préparer. Je vais prévenir Jérémy qui passera vous chercher, disons, dans 2 heures. Parfait, je serai prête. Marina se hâta de rentrer chez elle et de préparer quelques affaires. Elle prit aussi une douche, s'habilla et se maquilla soigneusement. Elle avait à peine terminé que l'on sonnait à la porte. Elle prit sa valise et son vaniki et ouvrit à Jérémy. Une femme prête à l'heure. Ça alors, plaisanta celui-ci. Vous êtes une perle, ma chère. Votre carrosse est avancé et votre chauffeur est à votre entière disposition. Où devons-nous aller, madame? Se moqua gentiment le jeune homme en se tenant au garde à vous. Jérémie, répondit en riant la jeune femme, cesse de faire le clown, veux-tu? À vos ordres. Bon, je prends le vanity et toi la valise. Marina était-il là? Tu ne sais décidément pas t'arrêter, n'est-ce pas? Jay a entièrement raison lorsqu'il dit que vous êtes tous les deux la deux têtes d'un même corps. Je le voudrais bien, répondit Jérémie, redevenu soudain très sérieux. Je crois qu'il vaut mieux ne pas traîner dans les parages. Tu as raison. Ton père t'a mis au courant de toute la situation, n'est-ce pas? Je suis comme Madame Irma, je sais absolument tout. Je te dirai franchement que j'aimerais assez que ton mari revienne maintenant. Je lui ferai passer l'envie de t'ennuyer, crois-moi. Hélas, mon cher père ne veut pas que je m'en mêle. Et moi non plus, Jérémie. Je suis très heureuse de ton aide, mais j'ai compris, ce ne sont pas mes affaires. Tout de même, il n'a juste qu'à arriver à ce moment précis et je saurai bien le recevoir. Jérémie. Oui. Que va penser Jay en me voyant arriver comme cela avec mes bagages? Je ne sais trop quoi lui dire. Quant à lui raconter la vérité, il n'en est pas question. Mon père a tout perpétré. Jason est déjà parti à la clinique ce matin et il sait que tu vas le rejoindre. Robert lui a dit que cela serait plus évident et pratique pour vous. Vous serez l'un près de l'autre et lorsqu'il se fera opérer. Ton père a, je dois l'avouer, le sens de l'à-propos. Quel homme formidable! Et là, tu ne vas pas tomber amoureuse de notre père à présent, fit Jérémie en s'esclaffant. De toute façon, dans l'ordre des priorités, je suis en seconde. Tu es infernal, Jérémie. Je sais, mais grâce à cela, je survis, répondit le jeune homme, la regardant droit dans les yeux. Bon, assez discuté, il faut partir. En route, Marina reprit la conversation. Comment se fait-il qu'un homme aussi bien que ton père ne soit pas remarié? Oh, il a eu pas mal de déboires avec les femmes, et celles qu'il a vraiment aimées l'ont quitté. Comment ça? Notre mère, d'abord, est décédée en nous mettant au monde. Ça, mon père a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Nous aussi, d'ailleurs, marmonna-t-il entre ses dents. Qu'as-tu dit? Rien, rien d'important. Jérémie, s'il te plaît, raconte-moi. Va jusqu'au bout, même si c'est pénible. C'est une partie de mon enfance qui est... C'est très difficile pour moi d'en parler. Et puis, c'est du passé, et c'est révolu. Faut-il que je te supplie, Jérémie? D'accord, je raconte.